En Corée du Sud, selon Yonhap News et News 1, toutes les couches sociales de Busan protestent le simulacre de guerre biochimique des troupiers américains. La direction de Busan du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, la solidarité des formations du mouvement des citadins de Busan et autres formations civiles et sociales et organisations politiques de la région ont tenu le 19 une conférence de presse devant le consulat américain à Busan, alors que les gens pour la paix et la réunification de Busan ont manifesté le 15 pour exiger l'abandon du plan de guerre biochimique au 8e quai du port de Busan, embarcadère privé des troupiers américains.